The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Holidays. Les vacances. Beach. La plage. On vacation. En vacances. Sea. La mer. As usual. Comme d'habitude. Mountain. La montagne. For a change. Pour changer. Both. Les deux. Idea. L'idée. Now, a bit faster. As usual. Comme d'habitude. Idea. L'idée. Beach. La plage. Holidays. Les vacances. Sea. La mer. On vacation. En vacances. Idea. L'idée. On vacation. En vacances. Beach. La plage. For a change. Pour changer. Idea. L'idée. Sea. La mer. On vacation. En vacances. Beach. La plage. For a change. Pour changer. Beach. La plage. Mountain. La montagne. As usual. Comme d'habitude. Beach. La plage. Idea. L'idée. Now, use the words in context. En vacances. I went to Japan on vacation last summer. Je suis allée en vacances au Japon l'été dernier. La mer. I go to the sea every year. Je vais à la mer tous les ans. Les deux. I like both. J'aime les deux. Pour changer. I decided to take the metro for a change. J'ai décidé de prendre le métro pour changer. L'idée. You always have good ideas. Tu as toujours de bonnes idées. En vacances. I went to Japan on vacation last summer. Je suis allée en vacances au Japon l'été dernier. La mer. I go to the sea every year. Je vais à la mer tous les ans. Les deux. I like both. J'aime les deux. Pour changer. I decided to take the metro for a change. J'ai décidé de prendre le métro pour changer.